La Corée prête une grande importance aux plats nationaux. On organise chaque année sous diverses formes et méthodes les festivals culinaires, expositions culinaires des spécialités et concours des plats nationaux au niveau central et local pour découvrir les plats traditionnels nationaux et les plats locaux et scientifiser les méthodes de transformation. Il y a les restaurants spécialisés des plats nationaux à la capitale Pyongyang et dans les chefs-lieux des provinces, des villes et des arrondissements.